balade, je traverse la ville. Pour ramer les croissants, c'est vraiment très utile. Les aventuriers, les aventuriers, te lave des Louise. Pense à te faire Paris, ni d'aller à Dakar. Avec la petite ceinture, les rallyes c'est peinard. Les aventuriers, les aventuriers, te lave des Louise. Dans la vie, faut pas s'en faire. Y'a toujours des cons et des abrutis. Si t'es du bon côté de la barrière, n'hésite pas une seconde, mais dans tous les caresse-y. Jamais une tache de merde sur mes belles jantes chromées. Manquerai plus que les salopes en faisant mes courges et quartiers. Les aventuriers, les aventuriers, de la Mélouise. Avec les gonzesses, y'a jamais rien qui cloche. Elles tombent comme des mouches et surtout les plus moches. Les aventuriers, les aventuriers, de la Mélouise.